Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Descendant d'une lignée de pasteurs sur 5 générations, Théodore Monod était un homme de foi, un militant de la vie sous toutes ses formes, un homme de tolérance et de dialogue. Une rencontre des vérités essentielles des diverses croyances qui se partagent la terre pourrait se révéler d'un usage religieux vaste et universel, disait-il. Peut-être serait-elle plus conforme à l'unité de Dieu, à l'unité de l'esprit humain, à celle de la création tout entière. Lors des entretiens qu'il accordait en 1982 à Jean-Pierre Spilmont et Claude Hervian pour les chemins de la connaissance, Théodore Monod était encore à 80 ans, loin du terme de son existence. Il avait cependant eu le temps de constater que ses convictions spirituelles n'étaient pas partagées par tous ses semblables. Dans le cinquième et dernier volet de cette série, conscient notamment des urgences écologiques, il se montrait inquiet quant à l'avenir de l'humanité. Mais il ne désespérait cependant pas. En toutes circonstances, infatigable marcheur ne dérogeant jamais à la discipline physique et morale qu'il s'était imposée, Théodore Monod avançait. Théodore Monod, nous arrivons au terme de ces rencontres et je voudrais encore vous demander quelque chose. C'est la position du savant devant les engagements, devant les recherches qu'ils font. Est-ce que vous pensez que le savant doit prendre en compte totalement les décisions qui sont prises ailleurs ? Les savants, bien sûr, c'est un problème terrible, savoir dans quelle mesure le savant doit collaborer ou non à un certain nombre de choses qui sont dangereuses pour l'humanité et pour l'avenir de l'homme, de façon générale. Et puis, ils ne voient pas les effets directs de leur découverte. Tout ça est très fragmenté, en réalité, compartimenté. Et le physicien qui travaille dans un domaine précis et limité ne voit pas, au cours de sa recherche elle-même, les incidences éventuelles, catastrophiques et inhumaines et démoniaque que pourront avoir ces découvertes à lui, additionnées avec d'autres d'ailleurs. Et personne n'est à l'échelle individuelle n'invente tout seul une énorme chose. Quand vous dites l'homo sapiens, ce que nous prétendons être, est encore un barbare. L'hominisation est une espérance lointaine. Et alors, ce qui est grave, ça c'est une remarque qu'il faut faire. Ce qui est grave, c'est que jusqu'à présent, on pouvait dire l'homme est né au cadran géologique, il est né hier soir ou ce matin, il est tout jeune, et donc il a le temps, laissez-lui le temps de grandir, d'acquérir une conscience morale, de découvrir un certain nombre de choses, de devoirs, et de s'hominiser en réalité. Laissez-lui le temps, il est tout jeune. Oui, bien sûr, on pouvait dire ça jusqu'à présent, mais maintenant que les pouvoirs acquis par l'homme ont pris l'ampleur que l'on sait, maintenant qu'une catastrophe planétaire peut arriver avec une conflagration atomique, cet homme aura-t-il le temps ? Est-ce que vous lui laisserez le temps de s'hominiser ? Ou est-ce que vous allez le condamner à s'auto-détruire avant d'avoir atteint sa stature, la stature que nous lui souhaitons et à laquelle il était probablement destiné, parce que l'homme est aussi une grande chose en réalité. Seulement, encore faut-il que sa croissance vraie ne soit pas entravée perpétuellement. L'homme n'est pas uniquement un matricule, l'homme n'est pas uniquement une carte d'électeur, l'homme n'est pas uniquement un numéro. L'homme est un être moral et spirituel, à une croissance vraie pour laquelle il faut du temps. Alors laissons-lui le temps. Mais on peut douter de plus en plus du temps qu'il a devant lui avant une catastrophe qui risque d'être irrémédiable et qui laissera la place aux calmars. Probablement, je n'ai rien contre les calmars en soi, mais enfin, appartenant à l'humanité, je préférerais que l'humanité poursuive une évolution harmonieuse et heureuse. On calcule actuellement la prospérité d'une nation sur le taux de son produit national brut. Or, qu'est-ce que c'est que le produit national brut ? C'est une somme arithmétique des activités, quelles qu'elles soient, sans défalcation des nuisances. J'ai entendu un économiste distingué, bien entendu, comme on dit, nous expliquer une fois dans une réunion publique que si l'alcoolisme augmentait encore en France, il est déjà très bien comme ça, merci, ça s'inscrirait positivement dans le produit national brut. Pourquoi ? Oui. Parce qu'il faudrait beaucoup plus de flics, il y aurait beaucoup plus d'accidents d'automobile encore, il faudrait beaucoup plus de jambes de bois. Ce sont des activités, tout ça, et ça s'inscrit. Productrice. Alors moi, je propose qu'on essaye autre chose et qu'on essaie de calculer le bonheur national brut, le BNB. Mais il n'y a pas beaucoup d'économistes qui soient en train d'essayer de quantifier ce qui, jusqu'à présent, n'est que qualitatif. Mais il faudra peut-être y arriver. Et il y a déjà, je connais quelques jeunes économistes qui se disent pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire entrer dans nos calculs une émotion artistique, un paysage, par exemple. Lorsque vous parlez de cette idée de bonheur, il me revient à l'esprit une de vos citations que je trouve merveilleuse. Vous dites « L'homme est sorti des cavernes, il serait temps qu'il sorte des casernes ». Ça va tout à fait dans le même sens que ce produit national brut, dans lequel les fabriques d'armement sont comptées, bien sûr, comme production positive. Oui, bien sûr, l'âge des cavernes, mais il a fallu en sortir tôt ou tard. On ne pouvait pas rester indéfiniment dans l'âge des cavernes. Eh bien, on s'apercevra. J'ajoute toujours maintenant, si on a le temps, parce que le temps presse. C'est ça qui est de plus en plus dramatique. C'est le peu de temps dont nous disposons pour essayer d'amener l'homme à quelque chose de différent et de supérieur, au sens vrai du mot. Alors évidemment, l'âge des casernes, il est périmé. C'est archaïque, la guerre, etc. Non seulement c'est scandaleux, mais c'est archaïque. Et ce vieux dicton qu'on nous ressasse indéfiniment, si vis passem parabellum, ce vieux dicton latin, quand on pense que les latins, pendant 500 ans, font la guerre tous les ans, ils n'ont jamais préparé la paix, ils ont préparé la guerre en permanence, avec les jolis résultats que l'on a constatés. D'autant plus qu'il n'y a pas de course aux armements qui ne soit terminée par une conflagration, mais par une catastrophe. Alors si on veut la paix, il faut préparer la paix. C'est-à-dire réfléchir, ne pas s'avouer prisonnier des préjugés, de la pesanteur de l'histoire, de la pesanteur des habitudes, etc. On a toujours fait la guerre, donc on la fera toujours, etc. D'autant plus qu'à cet égard, l'homme occupe dans le monde vivant, alors ça c'est encore une remarque curieuse, une position extrêmement particulière. Il est le seul animal qui se livre à une guerre intra-spécifique. Les animaux se font la guerre entre espèces. Les lions font la guerre aux zèbres, bien sûr. Mais les lions ne font pas la guerre aux lions. Et il est aussi le seul animal qui entretienne des écoles pour apprendre à ces jeunes à tuer leurs semblables. C'est vraiment une chose. Le lion n'a pas d'école pour apprendre aux lionceaux à tuer des lions. Ça n'existe pas dans la nature. Ça, c'est un perfectionnement de l'homme. Et c'est une remarque qui va loin, parce que le début de la préhistoire, c'était pas certainement pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'évolution de l'homme ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien. Mais il y a eu certainement un passage très important que nous ne connaissons pas, à partir duquel l'homme a acquis ce comportement aberrant, même au point de vue biologique. Ce goût de la violence, ce goût du sang, ce goût de la guerre, parce qu'au fond, les hommes aiment la guerre, ils n'osent pas trop l'avouer actuellement. Mais enfin, pour beaucoup de gens, la guerre, c'est une forme de l'évasion. C'est l'occasion, une fois dans sa vie, de faire impunément les saloperies qu'on n'a jamais vues qu'au cinéma ou à la télévision. Mais c'est une aubaine, ça. Ça n'arrive pas tous les ans. Alors, il ne faut pas croire au profond amour de la paix des hommes. Pour l'instant. Le drame, l'épouvante, c'est de voir le temps qui se ratatine en avant. Alors, si on pouvait imaginer des siècles, des millénaires de croissance, etc., de perfectionnement, on pourrait se dire, mais ce pauvre homme, il est encore une brute, il est encore à l'âge du bronze, il n'a pas encore découvert les grandes lois de la vie morale, il n'a pas encore découvert la pitié et la paix, eh bien laissez-lui le temps d'acquérir ses vertus indispensables s'il veut continuer à durer et à devenir heureux, parce qu'au fond c'est ça l'idéal, c'est le bonheur des hommes. Alors les gens vous disent, vous êtes un utopiste, l'utopie, bien sûr, et pourquoi pas après tout, d'autant plus que l'utopie, je crois que c'est sur un mur en mai 68 que j'ai lu ça, l'utopie n'est pas nécessairement l'irréalisable, mais uniquement l'irréalisé. C'est pas forcément... L'utopie d'aujourd'hui sera peut-être la réalité de demain, oui. Il faut vivre dans l'espérance, bien sûr, on n'a pas le droit de désespérer de l'espèce humaine, mais il faut être quand même clairvoyant. Il faut être lucide, il faut être clairvoyant, et il ne faut pas accepter les maximes à la mode. Ah, il faut rester libre de ses convictions, de ses actes, de ses orientations, de ses engagements dans tous les domaines, etc., naturellement. J'avais eu le malheur une fois dans un journal africain d'avoir déclaré que, quoique fonctionnaire, je me considérais comme un homme libre. Ça a beaucoup déplu aux gens en place, et j'ai été convoqué à Paris pour être réprimandé au ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que vous pensez que s'il y a des gens qui ont envie vraiment d'agir, est-ce qu'on peut, avec des hommes comme vous, obtenir, par exemple, de réduire les productions d'armement ? Non, c'est pas avec des hommes comme moi qu'on réduira les productions d'armement. Non, sûrement pas. Oui, mais vous dites quand même que là est le danger, vraiment, demain il peut y avoir une conflagration qui détruise la planète. Et ça sera sérieux cette fois-là. Puisqu'on n'en est pas là, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Et comment arrêter, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, de fabriquer des armes. Ça sera, malgré notre belle arme atomique, ça sera la France transformée en une demi-heure en céramique et en mâche-fer. Voilà. Enfin, il n'y a pas que la France, il faut penser à l'échelle de la planète et à l'échelle de l'humanité. Mais nous n'avons aucun influence personnelle, aucun pouvoir personnel. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas livrer certains combats. Il faut, par honnêteté d'abord, et puis je dirais même pour l'honneur, c'est un mot qui a été un peu galvaudé dans certains cas, mais il ne faut pas qu'on puisse dire qu'il n'y avait aucune résistance, aucune voie indépendante, etc. Je crois qu'il faut maintenir des foyers d'indépendance morale et intellectuelle et spirituelle. Même s'il s'agissait d'étincelles qui couvent sous la cendre, pour l'instant, à partir desquelles, un jour ou l'autre, on peut espérer que les choses changeront. Enfin, on ne peut vivre que dans l'espérance. Le désarmement, par exemple. Tout le monde en parle, personne n'en veut. C'est évident. Hein. On s'en gargarise dans les discours officiels, etc. Mais ça, ce n'est pas sérieux. Personne n'en veut. En réalité, personne n'y songe sérieusement. Mais alors, si on y songeait sérieusement, quel est le pays qui aurait le courage, par exemple, de déclarer la paix au monde? Un pays qui dirait, moi, je désarme. Désarmement unilatéral, héroïquement. Ça serait à travers le monde une telle flambée de stupéfaction, que là, peut-être, des choses changeraient. La France est le pays qui serait le plus qualifié pour un geste pareil et qui aurait un retentissement, mais j'allais dire cosmique, enfin prodigieux à travers le monde. Là, des choses changeraient, bien sûr. Mais qui osera? Il y a un projet de loi, d'ailleurs, sur le désarmement unilatéral, de la part d'un petit groupe de pacifistes convaincus, dont vous faites partie, parmi lesquels il y a mon confrère Alfred Kastler, moi-même, et un certain nombre d'autres. Je n'ai pas la liste sous les yeux. Nous venons de renvoyer ce projet à tous les membres du nouveau Parlement. Vous avez dit dans une interview, vous avez cité cette phrase, Théodore Monod, cette phrase d'Alexandre Vinet, disant « S'il y a un dogme qui menace l'existence de l'État, c'est bien le dogme d'une obéissance aveugle et passive, le dogme qui annule la conscience. » Je crois que vous êtes l'exemple vivant, par vos multiples engagements, de cet homme libre dont parle Vinet? Ah, c'est un idéal, bien sûr. Je ne sais pas dans quelle mesure j'aurais su l'incarner. Mais, bien sûr, c'est la tendance que j'éprouve et le désir que j'ai, c'est de conserver vis-à-vis des pouvoirs, quels qu'ils soient d'ailleurs, une indépendance personnelle. Dans certains cas, ça peut entraîner certaines conséquences. Je me souviens par exemple d'un trajet dans un car de police où j'étais d'ailleurs bien entouré. J'avais Louis Massignon à ma gauche et Lanza del Vasto à ma droite. C'était à la suite d'une manifestation contre les camps de concentration pour Algériens pendant la guerre d'Algérie. Je me rappelle aussi un joyeux séjour dans une cage dans un commissariat de la rue Torel, à la suite d'une manifestation en faveur des objecteurs. Nous étions enchaînés, beaucoup dire, parce que nous étions une ficelle. Nous étions attachés avec une grosse ficelle. Ce n'était pas très compliqué, mais enfin, c'était une façon aussi d'exprimer notre... Symbolique. Sympathie. Oui, c'était symbolique, mais il faut vivre. Bon, les symboles, c'est très important, vous savez. Très, très important, dans tous les domaines. Vous avez, au cours de ces entretiens, prononcé souvent ce mot de liberté, le mot de conscience. C'est peut-être en effet un dénominateur commun. Et le mot de liberté, il y a aussi le mot de libertaire qui n'est pas très loin. Et je suis peut-être en effet, si on voulait résumer, je suis peut-être quelque chose comme un libertaire chrétien, enfin, un libertaire qui a des convictions spirituelles, et qui, au nom même d'ailleurs de ses convictions spirituelles, cherche à s'affranchir et à affranchir les êtres humains de tous les esclavages qui les menacent dans tant de domaines. Vous avez bientôt 80 ans, oui. Vous êtes encore d'extérieur un jeune homme, spirituellement si vous l'êtes, même si vous n'êtes pas très optimiste, si on continue dans ce sens-là, si vous aviez un désir vraiment intense et du jour, de l'heure, de la minute, de l'instant, ce serait lequel ? Oh, j'ai beaucoup de désirs de pouvoir jusqu'au moment de quitter ce monde et de passer à l'autre rive, comme dit l'Évangile, de pouvoir continuer à travailler et à découvrir et à jouir de cet extraordinaire privilège que j'ai eu toute ma vie, de pouvoir me consacrer à la recherche et à la découverte. Mais alors ça, c'est un peu de l'égoïsme, peut-être. En regardant plus largement, mon souhait, mon espérance, c'est que l'être humain, encore embourbé encore englué dans la barbarie préhistorique de l'âge du bronze, comme nous l'avons constaté tout à l'heure, s'éveille enfin à une merveilleuse liberté morale et qui lui permette de découvrir un monde nouveau et de lutter pour l'avènement de ce monde nouveau. Venez d'entendre le dernier volet d'une série de 5 entretiens avec Théodore Monod par Jean-Pierre Spilmont et Claude Hervian pour Les Chemins de la Connaissance, diffusé pour la première fois le 24 février 1982. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.